Au cinéma Rex. Qu'est-ce qu'il y a au programme? C'est affiché là. Les actualités de la semaine. Un dessin animé Félix le chat et Mickey Mouse au Pays des Merveilles. Le héros du Far West, un western de court-métrage. Et Le crime de Médée. Ça, c'est le grand film. Et le spectacle est permanent. Entrons maintenant, on verra bien. Par ici, messieurs, dames. Nous avons de la chance. C'est l'entracte. Vous avez deux places là-bas, au troisième rang. Merci. Voilà. Vite, Olivier, le grand film commence. Chut, taisez-vous. C'est vrai, vous ne pouvez pas vous taire. Voilà, mademoiselle, 50 centimes. Même pas de quoi boire une tasse de café. Oh, ça suffit. Enfin, Yvonne, 50 centimes de pourboire, c'est suffisant, tu ne trouves pas? Si. Allons, passe. Mais qu'est-ce que tu fais? Mon sac est accroché au dossier d'un siège. Eh bien, décroche-le. Oh non, alors, c'est trop fort. Je vais porter plainte à la direction. Excusez-nous, monsieur, nous dérangeons tout le monde. Ça, vous pouvez le dire.